Chapitre 11e, une visite. Le lendemain de ce duel dans les ténèbres, qu'eût fait les délices d'un tourneur de film américain, était un dimanche. Nerfs apaisés par le tub, et tout en écoutant vibrer la voix lointaine des cloches, Delmont associait des déductions propres à éclairer la situation avec cette tranquillité d'esprit qui l'eût mise à résoudre une équation du second degré. L'apparition et la disparition de Gresset confirmait nettement l'existence d'un passage secret qu'il convenait de découvrir. Du soin persistant avec lequel le sinistre individu sondait les murailles, on pouvait conclure de toute évidence qu'il y avait un intérêt. Agissait-il pour son propre compte ou pour un intermédiaire? Il semblait logique d'écarter la première hypothèse sans la moindre hésitation. Gresset ne s'était certainement pas rendu à Paris la semaine précédente pour assister à la reprise de Pélias et Mélisande, ou pour aiguiser son sens critique sur une exposition néo-cubiste. Il allait donc recevoir des instructions. Et de qui? Sur ce point délicat, l'intuition devançant le raisonnement imposait un nom, Tapabord. Les doutes s'effilochaient. Oui, le tabellion, plus soucieux de ses crapuleux intérêts que des intérêts honnêtes de sa clientèle, s'était assuré un redoutable complice. Ne trouvait-il pas dans cette louche association l'avantage de ne pas risquer de se compromettre si l'aventure tournait mal? Il tirait les ficelles dans l'ombre avec l'espoir que personne n'irait se douter de ce qui pouvait bien faire mouvoir le dangereux pantin. Mais en fait, qu'est-ce qui le poussait à entreprendre de telles recherches? Là, par exemple, un formidable point d'interrogation se dressait. Rêvait-il, en dépit du code, de s'approprier un magot sur lequel s'appesantissaient les ténèbres du souterrain? Cependant, comment d'une part Tapabord avait-il appris l'existence du fameux trésor? Comment de l'autre avait-il couru les risques d'une telle complicité? Avait-il la naïveté de supposer que le Gresset, ayant mis la main sur le sac, pousserait jamais le dévouement jusqu'à le lui remettre intact au lieu de passer la frontière? Ou bien même, qui donc l'empêcherait de se promener à la barbe du voleur volé et incapable d'en appeler à la justice? Il fallait pourtant que la chose en valût rudement la peine. N'avait-il pas pris soin de faire déchiffrer un plan susceptible d'éclairer les gens perspicaces et d'acquérir le stock d'ouvrages où figurait un plan semblable? L'ingénieur se débattait au milieu de ses perplexités lorsque Bernard, s'étant coulé par la porte, lui annonça. « Il y a comme ça Monsieur Leclaude qui voudrait causer à monsieur. »« Monsieur Leclaude. »« Oui, fait, monsieur. Monsieur Leclaude, l'instituteur. Introduis-le. » Le magistère entra et salua cérémonieusement. Il cherchait manifestement à paraître très distingué. Il portait des guêtres, un veston gris chiné, pincé à la taille, ainsi que la mode l'exigeait, et l'ongle de son auriculaire droit, taillé en forme de griffe, dépassait la chair pour le moins de 2 centimètres. Si Bernard avait l'habitude d'émailler ses discours de sentences et de proverbes, M. Leclaude semait les siens volontiers de citations latines, jadis apprises par cœur dans le Petit Larousse. Il pensait donner de la sorte un témoignage de sa culture. Delbon lui indiqua un siège. « Qu'est-ce qui me vaut l'honneur, monsieur, de votre visite ?» Le maître d'école répondit avec quelque affectation. « Le double désir simplement de mieux faire votre connaissance et d'obliger un villageois. Si je pouvais vous être utile, ce serait certes avec plaisir. Croyez à ma reconnaissance. J'aimerais que vous consentissiez à me communiquer, pardonnez-moi cet indispensable accord des temps, l'adresse de maître Tapabord. Bien volontiers, vous avez affaire à lui. Pas tout à fait. » Mais Dixie, ah, quelle importance ce verbe prenait sur ses lèvres. Il s'agit de rendre service à un naturel du pays. Ces fils de la terre manquent de belles lettres et me confient assez souvent la rédaction de leurs épîtres. Je suis donc chargé d'adresser l'une d'elles à maître Tapabord par le gardien de sa villa. Et comme j'ai oublié le lieu de sa résidence actuelle... C'est Gresset qui, interrogea Delbon plutôt malicieusement, Maxima perspicacitas. Et effectivement, monsieur Gresset en question. Le malheureux, oubliant le danger des armes à feu, s'est percé l'épaule d'une balle en nettoyant son revolver. Il paye son imprudence fatale de l'impossibilité actuelle où il se trouve à se servir du calame, et cependant il tient prévenir son maître sans retard de son fâcheux accident. Delbon, pince sans rire, approuva. Voilà qui témoigne, à mon sens, d'un bon naturel. Ce Gresset est un excellent serviteur. Il m'est sympathique et il me plaît d'avoir ainsi l'occasion d'une lettre un peu agréable. Je vais donc vous donner l'adresse. Il griffonna quelque chose sur une page de son calepin qu'il tendit à l'instituteur. Celui-ci, pour prendre congé, s'inclina plus profondément encore, peut-être, qu'à son arrivée. Ma gratitude est vive, monsieur, pour cette courtoisie qu'a priori je pensais bien avoir trouvée, et j'espère que nos relations ne se borneront pas à ceci. » Delbon acquiesça simplement de la tête, mais M. Le Claude, déjà plus familier, ajoutait « Ah, cher monsieur, les intellectuels sont si rares dans nos campagnes, et c'est une satisfaction véritable que de rencontrer à qui causer cordialement. » Et interprétant le mutisme de l'ingénieur pour une approbation, il discourut, heureux de mettre en lumière ses petits talents. « Ah, Paris, monsieur, ah, Paris, cerveau et phare unique au monde, quelle peine que d'en être éloigné. Non pas que je n'y ai moi-même d'excellentes relations. Ma modeste collaboration à la revue Zéphyr m'a valu une lettre autographe. Oui, monsieur, une lettre autographe de monsieur Maurice Bourgogne, l'éminent académicien. Mais ce ne sont là, hélas, que de piètres satisfactions, de trop maigres compensations à l'obligation de vivre parmi les rustos. » Et satisfait d'avoir produit une impression qu'il croyait favorable, dressant son front chauve comme pour y recevoir quelques couronnes de laurier, il lança ce mot de la fin, soigneusement prémédité, « Amicus Plato, sans adieu, et votre serviteur, monsieur. » Delbon répéta en appuyant sur la liaison, non sans malice, « Sans adieu, monsieur, sans adieu. » Tout à fait certain maintenant de l'entente entre Tapabor et Gresset qu'il se proposait bien de démasquer sans le secours de ces messieurs de la tour pointue, l'ingénieur reprenait tranquillement le fil de ses méditations quand Bernard réapparut. « Que monsieur m'excuse, fit-il, qui ment sans son assentiment s'il est honnête, se dément. J'ai dit un peu à l'étourdi à monsieur que j'ignorais qui avait arraché les plans du livre de monsieur l'autre jour, que monsieur ne m'en veuille pas. Je me trompais, en le trompant sans intention de le tromper. Certes, on a raison de le dire, trop d'histoire dans une vieille mémoire, c'est quasi comme de l'encre noire. Alors, quel serait le coupable ? Défunt votre grand-père, monsieur, qui, sauf votre respect, doutait fort de votre science en construction et espérait vous obliger à reconstituer de vous-même ce qui lui paraissait ne devoir pas manquer de vous intriguer. » Cette explication imprévue laissa l'ingénieur sceptique. Peut-être subissait-il aussi cette paresse assez fréquente de notre esprit qui nous pousse à refuser de démolir l'échafaudage de raisonnement, fût-il fragile, que nous avons édifié. Comme la confidence de Bernard déchirait les mailles du réseau de présomption dont il tentait d'envelopper Tapabor, il la rejeta complètement.